d'humilité. Et c'est lui que j'ai pour référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Dans sa vie de tous les jours, il n'avait rien fait de malhonnête. C'était un homme très puissant. Te ressembler, Seigneur, je voudrais te ressembler. Oh Jésus, ma référence. Oh Jésus, ma référence. Oh Jésus, ma référence. Oh Jésus, ma référence. Oh. Dans cette vie quotidienne, chacun de nous a sa référence. Jésus, mia référencia. Jésus. il est le